Merci d'écouter La Première. Le programme continue avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Il y a plus de 400 ans que les Français sont arrivés au Québec. Les colons ont continué à exploiter une terre qui ne leur appartenait pas. Il y a plus de 200 ans que les Anglais ont défait les Français sur les plaines d'Abraham dans la ville de Québec. Nous n'avons pas vu de victimes. Les enjeux liés aux relations avec les Premières Nations n'intéressent personne au Canada. Cette semaine, politique et grandes étendues. C'est un pays de western un peu quand même. Liberté et reconnaissance. Nous nous comparons toujours avec les États-Unis, un continent méconnu. Le chef du Parti libéral du Canada, notre premier ministre. La fonction cinématographique est inscrite dans la loi canadienne. Il y a plus de 100 ans que le Canada est devenu un pays qui englobe le Québec. Le Canada ne chie pas sur le Québec. Alec Obama, c'était super. Maintenant, Trump, c'est différent. Ça va pas être la même chose. Vive le Québec libre! Puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, mon nom est Caroline Zéo, je suis enseignante-chercheur en cinéma. Je suis en poste actuellement à l'Université de Picardie-Jules Verne, à la Faculté des Arts. Voilà, et je me suis spécialisée dans le cadre de mes recherches dans le cinéma documentaire, des formes les plus anciennes aux plus contemporaines, et dont j'essaye de réfléchir particulièrement à la relation entre la pratique et l'esthétique. Parmi vos travaux, vous vous êtes à un moment penché sur John Grierson au travers d'un article intitulé « Cinéaste ou propagandiste ?» avec évidemment un point d'interrogation. « John Grierson et l'idée documentaire ». Et je vous cite. John Grierson est considéré comme le père de l'école documentaire britannique. Il n'a pourtant réalisé qu'un seul film, Drifters, en 1929. C'est donc en tant que producteur, fondateur de nombreuses structures de production, ayant comme particularité de soumettre la création cinématographique à la cause publique, qu'il a durablement associé son nom à l'histoire du cinéma documentaire. Ses écrits nombreux ont eux aussi contribué à forger une vision griersonienne du cinéma en définissant les critères esthétiques et le rôle civique du documentaire qu'il fut, selon la légende, le premier à nommer. Alors, on va peut-être commencer par cette fin-là. Est-ce bien lui qui a dit le premier Eureka, c'est-à-dire documentaire? Non, non, non. C'est non. La légende, il a, ça. Il a fait beaucoup de choses. Alors, il est exact qu'en 1926, il a écrit un article à propos de Moana, de Robert Flaherty, dans lequel il dit que le film « has a documentary value », a une valeur documentaire. Et on a l'habitude de dire que c'est la première utilisation du terme documentaire en anglais pour désigner cette catégorie de films. Alors, c'est vrai ni en anglais ni en français. C'est-à-dire que Méliès parlait déjà de vues documentaires à propos des vues en plein air. Enfin, donc, on connaît des usages beaucoup plus anciens du terme documentaire en français. En anglais aussi. Il faut préciser en plus que quand il dit ça, il dit rien. C'est-à-dire que lui, il dit « Moana a une valeur documentaire, mais c'est pas ça qui fait la valeur du film ». Donc c'est d'autant plus amusant qu'on ait retenu ce terme, cette qualité. Il dit « oui, bien sûr, puisque Moana raconte l'histoire quotidienne de jeunes gens, il a une valeur documentaire, mais c'est surtout un film poétique ». Il dit ça. Donc, vous voyez, il dit ça et il dit rien en même temps quand il dit ça. Alors, c'est pas du tout pour diminuer l'apport de John Grierson, parce que néanmoins, d'une part, on peut penser que la notion de documentaire comme catégorie esthétique de cinéma, comme forme, apparaît quand même à peu près à cette époque-là dans la critique, parce que les films de Flaherty ont été reconnus comme une nouvelle façon de faire des films. Donc c'est pas non plus anodin que le terme apparaisse à propos d'un film de Flaherty, parce que les films de Flaherty allaient assez loin dans la mise en scène du réel, une manière qu'on ne pratiquait pas à l'époque. Et donc il a été reconnu par beaucoup de critiques comme l'initiateur d'une forme nouvelle. Moi, je pense qu'effectivement, la dimension esthétique du documentaire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cette façon propre au cinéma d'approcher le réel, avec des moyens cinématographiques qui sont de l'ordre du récit, voilà. Elle a des racines. Et les racines sont là. Elles sont à ce moment-là. Et c'est 1920, à peu près. Oui, après 1926. Et donc, dans la critique, début des années 30, tout ça. On est vraiment, le cinéma est un jeune homme. Oui, personne. Alors, il y avait du documentaire tel qu'on l'entend comme ça. Il y en avait dans les avant-gardes cinématographiques des années 20. Mais il n'y avait pas cette aussi clairement que chez Flaherty, cette volonté d'une confrontation à des réalités difficiles comme la vie de Nanouk en 1922, Nanouk l'Esquimau. Léo Jacob, qui était un critique de cinéma anglais à l'époque, parlait de « film of fact ». Le film de fait, c'était une catégorie de films qui relatait des faits simplement. Et Flaherty, il est entre le film of fact et le film de fiction, c'est-à-dire qu'en même temps, il raconte véritablement une histoire avec des personnages. Donc il va créer ce mélange très particulier qui va effectivement donner lieu à des critiques dans lesquelles on reconnaît une forme nouvelle et on peut penser que c'est là qu'émerge le documentaire. Documentaire qui a recours à la mise en scène du réel. Par opposition au film de montage, avec un commentaire qui était la forme documentaire la plus courante auparavant, qui est tout à fait d'un autre ordre. The succulent white blubber is to the Eskimo what butter is to our warmer world. Pour rester un temps encore, fut-il court, sur Robert Flaherty, est-ce que c'est un genre qui va s'épuiser rapidement ou est-ce qu'il est précisément inépuisable de par la forme même extrêmement personnelle que Flaherty emprunte? Il ne copie personne, il est en train d'inventer quelque chose, mais on peut facilement s'en inspirer sans pour autant le copier du tout. C'est inépuisable. C'est le début d'une nouvelle façon de voir le cinéma. Ouais. C'est précurseur du cinéma moderne aussi. Le cinéma moderne, depuis les années 60, c'est cette mixité entre le cinéma et la vie, c'est l'improvisation, enfin c'est la confrontation en permanence entre l'un et l'autre. Et lui, il a fait ça beaucoup plus tôt avec des moyens qui ne le permettaient pas. C'est-à-dire qu'il a anticipé sur les techniques cinématographiques. De ce que vous savez, c'est un accident de départ ou c'est une volonté délibérée? Parce que souvent, les grandes idées naissent d'une... Non, c'est pas... tellement accident. Oui, il y a eu un accident puisqu'il a fait un film d'explorateur qui a brûlé. Et après, il a raconté que tant mieux s'il avait brûlé parce que ça lui a permis de comprendre que c'était un mauvais film et que c'est pas comme ça qu'on pouvait révéler la réalité de ces gens-là, hein, c'est-à-dire des Inuits. Et que donc, il a fait un deuxième film et que cette nécessité de refaire lui avait fait comprendre qu'il fallait montrer les choses de l'intérieur, il fallait créer une connivence avec les personnes, il fallait faire, ce que d'ailleurs Grierson va formuler plus tard, il fallait faire les films, non pas sur les gens, mais avec eux. Ça, c'est Grierson qui le dit, mais c'est Flaherty qui le faisait déjà. Quand Grierson le dit un peu plus tard, dans les années 30, ça fait déjà un certain nombre d'années que Flaherty le fait. Hein. Nanouk, on voit bien dans Nanouk cette connivence qu'il y a entre le personnage de Nanouk, qui devient un personnage de cinéma à part entière, qui marque les imaginaires collectifs comme un personnage de cinéma de fiction. Et c'est ça qui fait la différence. Alors c'est accidentel et pas accidentel, parce qu'en fait, il savait quand même très bien ce qu'il ne voulait plus faire. Et là-dessus, il faut effectivement aller regarder les films d'explorateurs. Hein. C'est terrible la façon dont... La question qui traverse l'histoire du documentaire, qui commence à être soulevée par Flaherty, puis ensuite par Jean Rouche, et puis ensuite par tout un tas de gens aujourd'hui, c'est la question de l'altérité. Radical ou pas, c'est-à-dire que l'altérité, c'est l'autre. C'est qui l'autre ? Ça peut être un Inuit, ça peut être ma grand-mère, mais c'est toujours quelqu'un différent de moi. Comment je fais pour le regarder et pour en rendre compte ? Comment l'écouter ? Comment ? Alors l'écouter, ça vient plus tard. Hein. Ça vient avec les années 60. Hein. Ça vient avec le cinéma direct, puisqu'évidemment, il y a cette difficulté technique qu'on ne peut pas enregistrer le son et l'image en même temps jusque dans les années 60. John Grierson, il a une formation philosophie et littérature, mais il va très vite s'intéresser, parce que c'est très probablement également dans l'air du temps, à tout ce qui relève de l'étude des médias de masse. Oui. Il a une rencontre qui compte, celle avec Walter Lippmann. Alors, qu'est-ce que c'est que cette relation entre Lippmann et Grierson ? Qu'est-ce qu'ils ont à se dire et qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, tout en ayant un certain nombre de points avec lesquels ils sont d'accord, ils ne vont pas produire la même analyse. Racontez-nous ça. Grierson est parti aux États-Unis dans les années 20, faire des études. Il était bénéficiaire d'une bourse Rockefeller. Et Rockefeller avait financé pas mal de travaux de recherche sur l'opinion publique. Il avait des problèmes avec un certain nombre de grèves qui avaient mal fini dans ses entreprises et qui avaient eu pour conséquence l'image déplorable de sa famille et puis de son industrie. Et donc, il avait à cœur de penser, de réfléchir à, effectivement, à la façon d'orienter l'opinion publique grâce aux médias. Alors, c'est dans ce cadre-là que John Grierson a fait des études aux États-Unis et qu'il a rencontré Walter Lippmann et la pensée de Walter Lippmann. Et en particulier, cette idée du manufacturing consent, c'est-à-dire la fabrique du consentement, gouvernée par le consentement. C'est-à-dire faire en sorte que l'opinion publique soit favorable aux décisions de l'État en particulier. Ça, c'est un concept qui est imaginé ou théorisé par Lippmann. Oui, dans Public Opinion en 1922. Alors par contre, la divergence entre Grierson et Lippmann, c'est que Lippmann faisait reposer cette conception, alors je ne suis pas une spécialiste de Lippmann, mais dans les grandes lignes, sur une conception assez sceptique de la démocratie. C'est-à-dire penser qu'il y avait quand même une contradiction entre la dimension égalitaire de la théorie démocratique et puis les fonctionnements réels de la société de masse moderne, et qui étaient très les fonctionnements hiérarchiques de cette société. Donc lui, il pensait qu'il y avait une contradiction et que forger l'opinion, c'était une façon de résoudre cette contradiction. Grierson, lui, ne pensait pas cette contradiction. Il n'était pas du tout d'accord avec cet aspect de la pensée de Lippmann. Il pensait réellement qu'il fallait donner les moyens, par le biais du film, enfin c'est ce qu'il va choisir comme outil, au peuple de bien comprendre les enjeux, d'être informé et éduqué, pour faire bon usage de son libre arbitre. Donc c'était quand même une conception un petit peu plus progressiste de cette idée de gouverner en forgeant l'opinion publique. Les deux hommes sont-ils appelés à communiquer ? Est-ce que l'on sait quelque chose de leur échange ? Je n'en sais pas grand-chose. Je pense que c'est une relation de maître à élève. Ça n'a pas été plus loin, à mon avis. Il n'y a pas de trace d'une relation qui se serait prolongée par la suite. Alors en tout cas, John Grierson est un homme qui passe aux actes assez souvent. Oui. C'est quelqu'un qui a un discours, mais c'est également quelqu'un qui agit. Ouais. Cette action, elle se met en place dès 1926 à l'intérieur d'une institution en Angleterre, l'Empire Marketing Board. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet-là ? Alors c'était un organisme qui avait été créé par le gouvernement britannique pour resserrer les liens entre l'Empire et les Dominions, en particulier les liens commerciaux. Alors cette nécessité de resserrer ces liens, elle va être grandissante parce que c'est le moment où effectivement les liens politiques se distendent. Ouais. C'est-à-dire qu'après on a le statut de Westminster en 1931 où effectivement l'autonomie des Dominions est reconnue par l'Empire britannique et du coup il faut garder des liens commerciaux et culturels néanmoins. Il y a du mou dans le Commonwealth. Il y a du mou. Voilà. Donc, cet organisme qui va être relayé par l'Empire Relations Trust a pour fonction, effectivement, de développer des moyens. Et puis d'inciter les consommateurs aussi à acheter Empire. Absolument, absolument. Il faut acheter britannique. Et donc, Grierson va arriver avec sa conception du cinéma. Il va être soutenu là-dedans par Sir Stephen Talence, qui était un bureaucrate éclairé, qui pensait que le cinéma avait un grand avenir en politique. Je pense que c'était aussi un esthète, je pense que c'était aussi quelqu'un qui aimait le cinéma, ce qui est le cas de Grierson, c'est-à-dire c'est toute l'ambivalence du personnage, c'est-à-dire ça va être une utilisation essentiellement politique du cinéma, mais avec... Par un amoureux du cinéma. Voilà, oui, tout à fait. C'est ce qui va créer ce paradoxe permanent, et en même temps extrêmement passionnant et constructif, de quelqu'un qui va vouloir absolument mettre le cinéma et maintenir le cinéma dans un assujettissement à la cause publique. C'est-à-dire, pour lui, le documentaire doit servir à consolider l'État, en tout cas à faire en sorte que le citoyen connaisse les besoins de l'État et sa place dans la société. Donc, un travail très, à mon avis, très sincère dans cette optique. Créer des moyens de production pour le documentaire en s'attachant justement à l'État, c'est-à-dire en faisant en sorte que le documentaire soit financé par l'État. Ce qui nécessite de gommer toute aspiration artistique, parce que voilà, c'est pas l'art pour l'art, hein, c'est vraiment de la propagande gouvernementale. Mais en même temps, il va embaucher pour faire ça toujours de grands artistes. Grierson travaille beaucoup, il pense beaucoup, il produit beaucoup au travers de ce Empire Marketing Board. Ce sont affiches, affichettes, annonces dans la presse, et tout est quanti, émissions de radio, expositions, lectures, ça brasse. Grierson, pour l'instant, s'il a nommé documentaire, s'il tourne autour de cette notion d'éducation de masse, n'est pas encore passé à l'acte concernant le documentaire. Quand il passe à l'acte au moment du documentaire, séquence, comment ça se présente, voilà. Alors effectivement, il a dit l'idée documentaire, c'était pas une idée spécifiquement cinématographique au départ. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, c'est cette idée du rapport à l'opinion publique, bon, etc. Et puis, il en vient au cinéma et pour ce faire, il va réaliser un film en 1929, à peu près le seul film qu'il ait réalisé, qui est Drifters, qui est un film sur les pêcheurs de harengs dans la mer du Nord. Et on pense savoir qu'il a choisi ce sujet parce que le secrétaire d'État aux Finances avait lui-même publié un livre sur ce sujet. Ne détestait pas le hareng. Voilà, il avait un intérêt pour le hareng. Et donc, ça allait converger par le biais de ce sujet. Alors, il réalise un film qui est un magnifique film, qui est très inspiré des techniques soviétiques du montage, notamment. Donc, il a vu beaucoup de films. John Grierson, il connaît bien le cinéma. Et c'est quoi, ça, les techniques de montage soviétique? Ça monte beaucoup, ça monte très vite. Ça monte vite, et puis il y a un potentiel dans le montage, c'est-à-dire on utilise des surimpressions, l'expression du montage, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a entre les images, hein, dirait Vertov, donc c'est tout un tas de formes comme ça qui relèvent du montage, qui sont voilà, la surimpression, le fondu enchaîné, un montage assez rapide, effectivement. Dans la pêche au hareng. Dans la pêche au hareng, oui. On pense que le titre initial du film, c'était « The Worker as Hero », c'est-à-dire « Le travailleur comme héros ». Hein, c'est-à-dire, c'était de héroïser la place du travailleur dans la société. C'est le début d'une réflexion sur la représentation du travail qui va être quand même assez permanente par la suite, qui va être une préoccupation récurrente. But I can go back to the beginning and say that the documentary in England was always engagé. It was always, as we saw it, a chance to say something, a chance to teach something, a chance to reveal something. A chance possibly to inspire, certainly always an opportunity for influence of one kind or another. Caroline Zéo, on a envie avec vous de s'approcher un peu plus du bonhomme John Grierson. C'est dès le départ quelqu'un qui semble être une espèce d'électro-aimant qui fait venir à lui, qui attire d'autres. On parle souvent à son endroit de notion d'atelier, de la Renaissance. Voilà, c'est quelqu'un au milieu d'eux qui fait venir des quantités de gens d'un peu partout. Oui. Alors effectivement, c'est un personnage extrêmement charismatique qui avait des ambitions politiques très importantes. Il veut faire de la politique ? Non, mais il est toujours très proche, très proche des appareils politiques. Hein. Il se tient toujours trop proche, sans doute. Hein, En Angleterre, au Canada. Et chaque fois, c'est ce qui l'a fait basculer. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il fait, dans ses films, ce que les ministres ne font pas eux-mêmes. Hein. Et donc, il y a un moment où on lui dit « Eh oh, reviens à ta place voilà. ». Bon. Tu n'es qu'un cinéaste. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui se tient toujours très proche du politique. Et puis, c'est quelqu'un qui, effectivement, va développer des formes de production cinématographique très originales, en Angleterre d'abord, puis au Canada. Et au Canada, sans doute l'exemple qui a été le plus pérenne et qui a eu le plus d'influence, c'est l'Office national du film du Canada. Mais il va commencer par développer ça en Angleterre, donc dans l'Empire Marketing Board Film Unit, puis le General Post Office Film Unit. Dans ces deux structures, regrouper autour de lui des cinéastes, des artistes, des poètes, des musiciens, et puis parfois des jeunes qui n'étaient pas encore cinéastes et qu'il va former, donc une espèce de comme ça de conception collective du cinéma, collective autour de lui. Donc on sait que c'était quelqu'un d'autoritaire, mais d'omniprésent, d'extrêmement disponible, de très paternaliste et probablement d'assez misogyne aussi, mais en tout cas qui effectivement avait un pouvoir d'attraction et qui arrivait à s'entourer d'artistes formidables, souvent issus des avant-gardes cinématographiques des années 20, souvent des artistes de gauche. Ça, c'est aussi une des particularités de ce paradoxe, c'est-à-dire qu'il travaillait pour un gouvernement conservateur en Angleterre, mais il arrivait à s'entourer d'artistes qui étaient, on savait, quand même des artistes de gauche. Hein. Et sa position, donc, elle était comme ça, de ménager les deux. Hein. Alors, il s'entourait... Oui, il se met à l'intérieur de l'institution, oui. Il dit, notre parachute à nous, c'est l'institution, il faut faire à l'intérieur de l'institution, oui. Oui. Mais il faut en quelque sorte sculpter sa niche à l'intérieur, voilà, de l'institution, oui. On nous fichera une paix royale. Voilà. Alors que si on se met en face comme des contestataires et tout ça, ça ne sert à rien, absolument, ça ne marche pas. Hein. Donc voilà. Alors effectivement. C'est une position très étonnante, enfin, assez rare. Oui, assez rare, très intelligente. Caroline Zéo. Parfois contradictoire, enfin, difficile à cerner, effectivement. Est-ce que vraiment il cherchait à forger l'opinion publique pour éviter que les gens se rebellent, ou est-ce qu'il cherchait réellement ou aussi à inoculer à l'intérieur même de l'État un certain niveau de critique sociale par le biais des films qui étaient produits dans ces organismes, c'est la question. C'est-à-dire que voilà, c'est une façon comme ça de l'intérieur de faire que la critique ne vienne pas de l'extérieur, mais qu'elle soit là inoculée dans les films. Alors évidemment, tous les films n'étaient pas des films subversifs. Hein. Il y en a eu plusieurs, mais on peut penser que la majorité des films dont on n'a plus du tout connaissance aujourd'hui étaient des films de propagande gouvernementale absolument sans intérêt artistique aucun. Mais bien sûr, ce qui est passionnant, c'est cette tension dans le travail de production entre un cadre de production extrêmement restrictif politiquement, puisque c'était des unités de production attachées au gouvernement conservateur, et en même temps, à l'intérieur de ça, une force progressiste réelle et qui passe par des moyens artistiques extrêmement aiguisés. Gerson est au Canada, ça se passe après l'Angleterre, mais il faut peut-être, avant d'arriver tout de suite au Canada, dire que le terme de l'Angleterre, il est quand même lié aux événements économiques. La crise économique a soldé un petit peu les comptes, on n'a plus du tout les moyens de se payer ce genre de choses, donc l'Angleterre a un peu les poches percées, et du coup Gerson se retrouve un petit peu sur le carreau. C'est principalement la raison, ou non, y en a-t-il d'autres ? La raison de son départ au Canada est très complexe. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui entre en compte. La première raison, c'est que, en fait, le gouvernement canadien avait été précurseur en matière de propagande gouvernementale. Ça faisait très longtemps que le gouvernement canadien pratiquait la propagande gouvernementale. Et John Grierson avait reconnu cette avancée-là chez les Canadiens. Mais pourquoi cela ? Alors, notamment parce qu'à un moment donné, quand le Canada a construit ses chemins de fer, il a fallu convaincre les Canadiens d'aller vivre dans d'autres régions du Canada que celles qui étaient initialement habitées. Et pour ça, ils ont... Il fallait un fort pouvoir de conviction, donc. Voilà, et donc c'était l'entreprise de chemin de fer, hein, notamment, qui a commencé à produire des films pour montrer les charmes... Les charmes par moins 50. Qui n'était pas évident à démontrer, de l'Abitibi ou de régions comme ça du Canada reculées, auxquelles on pouvait désormais accéder grâce au chemin de fer. Donc ça, c'est dans les années 17-20, voilà. Alors Gerson repère donc ce savoir-faire, donc, ce talent. Voilà, et puis à un moment donné, le service qui s'occupait de ça, le Motion Picture Bureau du gouvernement canadien, est en déclin après l'arrivée du parlant. Ils se sont pas équipés techniquement, ils ont plus de mal à maintenir une audience pour leurs films. Et donc on demande à John Grierson son avis sur ce qu'il faudrait faire pour relancer la production gouvernementale. Mais au début, c'est seulement consultatif, on lui demande de produire un rapport. Mais comme c'est un homme qui a pas mal d'avis sur pas mal de choses. Voilà. Alors, la chose aussi intéressante, c'est qu'à ce moment-là, il est impliqué au sein de l'Imperial Relations Trust. On est en 1937-38, qui commence à se poser des questions concernant une éventuelle guerre et qui dit, bon, dans ce cas-là, il faudrait être encore plus virulent en ce qui concerne les rapprochements internationaux, en particulier entre la Grande-Bretagne et les Dominions, dont le Canada. Donc effectivement, c'est assez utile si Grierson va là-bas pour faire ami-ami, hein, et puis un peu donner son avis sur la production gouvernementale, ça pourrait bien servir. Quel est son point de vue à lui là-dessus? Son point de vue à lui, c'est qu'effectivement, il est très intéressé par la perspective de donner son avis, ça c'est certain, mais par contre, les historiens qui se sont penchés sur ce moment-là de la carrière de Grierson pensent qu'il avait quand même espéré, au moment de la déclaration de la guerre, être employé par le gouvernement britannique. Et qu'il l'a pas été parce que effectivement il était trop. Il a un caractère de cochon. Il était trop interventionniste politiquement. Hein, c'est-à-dire il restait pas à sa place. Il est un peu inattrapable. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui s'arrange toujours pour préserver son indépendance. C'est-à-dire que effectivement la particularité de son approche, c'est qu'il veut soumettre la production documentaire à la cause de l'État, mais en même temps il ne veut pas assujettir le rôle du documentaire au pouvoir en place. Vous voyez? Je le trouve d'une parfaite cohérence, cet homme. C'est totalement cohérent. Et donc, en général, il réussit à faire ça. Ça, il y arrive. Par contre, il y a toujours un moment où lui, il empiète sur le rôle des politiques. Et du coup, il apprend que le râteau existe en politique. Et voilà. Et c'est arrivé en Grande-Bretagne, c'est arrivé au Canada. Et dans les deux cas, c'est probablement ce qui a provoqué sa perte. Il arrive au Canada en 37-38. Il part au Canada. Il écrit la loi sur le cinématographe qui va établir la place du cinéma dans le gouvernement canadien, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ça veut dire que la fonction cinématographique est inscrite dans la loi canadienne. Hein, c'est-à-dire ça fait, c'est inouï. C'est une loi. Donc il y a un mandat, il y a un budget, et de cette manière, il protège la place du cinéma au sein même du gouvernement canadien. Ça, c'était une trouvaille formidable. C'est une première? Oui, parce que c'est ce qu'il avait voulu faire en Angleterre qu'il n'avait pas pu faire. C'est-à-dire, il n'a pas pu aller jusqu'au bout et donc il a réussi à faire ça. Un documentaire dans la Constitution, autrement dit. Exactement, dans la loi canadienne. Dans la loi canadienne. Et puis, en fait, dans un premier temps, il crée un organe consultatif, c'est-à-dire qu'il devait donner un avis sur la production. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté le Motion Picture Bureau qui produisait et de l'autre côté cet organe consultatif. Alors, au moment où la guerre éclate et où il n'est pas sollicité par la Grande-Bretagne, le gouvernement canadien se dit on va faire appel à lui. Finalement, ça arrange tout le monde parce que le gouvernement britannique voit un élément stratégique, quelqu'un qui va pouvoir aussi influencer l'effort de guerre aux États-Unis, avec la proximité des États-Unis. Donc, ça arrange tout le monde. Seulement, la fonction consultative, ça ne lui suffit pas longtemps. Et donc, il va. On peut le comprendre, un homme d'action pareil. Il va très vite menacer de démissionner parce qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Et il obtient finalement l'assimilation des deux organismes ensemble. Enfin, l'Office national du film du Canada englobe le Motion Picture Bureau qui disparaît du même coup. Et il devient donc premier commissaire de l'Office national du film du Canada, qui a une place quand même au sein du gouvernement. Voilà pour ce qui concerne un petit rappel pour la mémoire de l'aventure de John Grierson qui fera du cinéma et du documentaire un outil politique au Canada. D'ailleurs, dès demain, il sera question de politique et de documentaire politique au Canada. Une histoire et un vaste paysage quelque peu dans l'angle mort de nos connaissances générales, un retard à rattraper. La mise en onde est signée cette semaine, Jérôme Nussbaum. Thank you.